Sioul, Dada Sioul, Trapioul, Valserviul, Croisé, Néné Youl, Énervioul, Hacha! Je suis posé dans le barrio, j'en ai 6 ans le barrier. Je vais m'emper tout dans la Clio, ce soir je vais finir qui est. J'ai pas les sous du proprio, c'est au nom du frérot, il faut pas le griller. J'ai le cousin visio, j'entends les SS crier. Je suis posé dans la boîte, qu'ils passent des patates. Et devant le videur, grosse à la tatata. Ça sent la patate, ils sont casqués. Visir teinté, ils sont pas là pour parler. Je suis caliente, je suis orienté. Elle fait que m'appeler, à la base elle m'a pointé. Je me sens pas rentré, je vais réserver à l'hôtel. On part dans l'allée. Qu'est-ce qui t'arrive là, cousine? J'aime pas ta façon de parler. C'est pas ça, c'est un tout. J'ai toujours fait ce qu'il fallait. Le bon Dieu regarde tout. J'ai pas besoin de. J'ai mon destin entre les mains. Et j'ai toujours tendu la main. On veut se diriger vers la mec. Mais on découpe de la meule. Tu m'as trahi et ouais, le sang. Je te vois jouer l'innocent. J'avais pas un pour les sang. C'est ça la reconnaissance. J'suis caliente. J'suis orienté, elle fait que m'appeler, à la base elle m'a pointé, je me sens pas trotté, je vais réserver à l'hôtel, le passé c'est le passé, t'es qui tu fais tracer, j'suis caliente, j'suis orienté, elle fait que m'appeler cette bitch, à la base elle m'a pointé, je me sens pas trotté, je vais réserver à l'hôtel. Le passé.